vie de rêve, je n'y crois pas. Comme la chatte refaite d'un travesti. Son jaune de R, il reste pas taf. Vas-y, tu le t'inquiète, on a investi. Lâche pas le par-dessus l'érection. Son regard me fait signe de ne pas m'arrêter. Cherche l'amour d'un mauvais garçon. Mais j'en ai que pour celle qui m'a allaité. Ennuisé de son tissage est brésilien. Je suis fait faire le tour des méridiens. Mais pas des plus loin possible, j'y tiens. Je fais tout pour être T2 sur tous les joints. Un seul coup de poing, le coquard se dessine. Face à l'embrouille, bras négro, passe pas de coup de fil. Je les dois t'es une pointe que du doigt. Ton cercueil n'y a que là que j'ai touché du bois. Tu me fais chier comme Arthur au nouvel an. Mes proches et de mes ennemis, je connais tous les noms. T'es le seul partisan de la paix ici. Ce qu'on aime dans la guerre, c'est que ça paye aussi. Je suis parti de rien, mais je n'ai toujours pas grand chose. Quelques salopes malveillantes faudrait qu'on cause. M'éloigne des croquis aux talons aiguilles. Je fais du cash pour maintenir la daronne en vie. Le temps, j'aimerais pouvoir le manier. Trouver les graines du sablier. De l'avenir, du destin de ma mère à venir lui dire qu'elle est plus obligée de s'en aller. Le temps j'aimerais pouvoir le manier, trouver les graines du sablier, m'emparer de l'avenir, du destin de ma mère à venir lui dire qu'elle est plus obligée de s'en aller. Si jamais je pars avant toi mais que j'ai déjà tout niqué, ne sois pas triste. Oui mais pour la mi-fa je partirai en fumée comme Patrice. Seul dans le coin accusé à tort. Je suis ni Charlie ni Dialiste. Maîtresse m'en veut car je suis noir comme Dark Vador. Maîtresse est-elle raciste? Y'a pas meilleur abri que le ventre d'une mère. Pas meilleur appui qu'un fils légendaire. Je te le dis c'est pas tout seul que je me suis fait. Je te le dis c'est bien tout seul que je vais me les faire. J'ai grandi à l'époque des pillages. Les tirs de calage m'empêchaient de rêver. Rebelle ennemi armé dans les barrages. Apeuré à ne plus savoir qui j'étais. Tout seul dans la merde j'ai compris la vie. J'ai su que les amis ce n'était pas pour la vie. Dans sa rosette pour me consoler. Je tapais la causette pendant que j'enculais. C'est trop vulgaire, tu seras censuré d'Amso. Deux flots plus tard, premier son, pas son radio. Je capte à l'heure jeune pour un show au bloody. Je mets de côté pour maintenir la daronne en vie. Le temps, j'aimerais pouvoir le manier. Trouver les graines du sablier.